Troisième partie, chapitre 4, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 4, de l'humilité dans la conduite extérieure. Le prophète Élisée dit à une pauvre veuve qu'elle empruntait de ses voisins tous les vases qu'elle pourrait, et que le peu d'huile qui lui restait dans sa maison coulerait toujours, tandis qu'elle en aurait à remplir. Cela nous apprend que Dieu demande des cœurs qui soient bien vides pour y faire couler sa grâce avec l'onction de son esprit. Et c'est filoté de notre propre gloire qu'il faut absolument le bien vider. On dit qu'un certain oiseau que l'on nomme Cresserelle a une vertu secrète de son cri et dans son regard pour chasser des oiseaux de proie. Elle en veut que ce soit la raison de sa sympathie que le pigeon et le colombe ont pour cet oiseau. Nous pouvons dire aussi que l'humilité est la terreur de Satan, le roi de l'orgueil, qu'elle conserve en nous la présence du Saint-Esprit et ses dons, et que c'est pour cela qu'elle a été chérie par les saints et par les saintes, comme elle a fait les délices du cœur de Jésus et de sa Sainte Mère. Nous appelons vain-gloire celle que nous nous donnons, soit pour les choses qui ne sont point en nous, soit pour celles qui, étant en nous, ne sont pas proprement à nous, ne viennent pas de nous, soit pour beaucoup d'autres qui, étant en nous et à nous, ne méritent pas que nous nous en fassions honneur. La noblesse de la naissance, la faveur des grands et l'applaudissement du peuple, tout cela est hors de nous, dans nos ancêtres ou dans l'estime des autres hommes. Pourquoi sont glorifiés? Il y a bien des gens à qui la richesse et la parure des habits, l'éclat d'un brillant équipage, la propriété d'un ameublement, l'avantage d'avoir des bons chevaux, dont de la fierté. Qu'est-ce qui ne voit pas en cela la folie de ces hommes? Combien y en a-t-il qui s'entêteront d'une vaine complaisance d'eux-mêmes pour avoir de beaux cheveux, de belles dents ou de belles mains? Quelque avantage pour un jeu, quelque agrément pour chanter, quelque disposition à bien danser. Mais quelle bassesse d'esprit et de cœur que de vouloir établir leur honneur sur des choses si frivoles. Combien encore à qui un peu de science joint à beaucoup de vanité, dont un tour si ridicule parmi les autres hommes, dont ils veulent se faire respecter comme des maîtres, que le nom de pédants et toute l'honneur qu'ils en reçoivent. En vérité, tout cela est bien superficiel, faux pas et très impertinent. Cependant, piloté, c'est surtout cela qui roule la vaine-gloire. L'on connaît le vrai bien à la même épreuve que le vrai bon. L'on fait essai de bon en le distillant dans l'eau. S'il va au fond, l'on juge qu'il est pur, très fin, et d'un grand prix. Au contraire, s'il surnage, l'on juge qu'il est ou altéré ou contrefait. Voulez-vous donc savoir si un homme est véritablement sage, savant, noble, généreux? Examinez si ses bonnes qualités sont accompagnés d'humilité, de modestie, de soumission envers ceux qui sont au-dessous de lui. Si cela est, ce sont des vrais biens. Mais si vous y découvrez de l'affectation à faire paraître ce qu'il croit avoir de bon, dites que cet homme n'est qu'un homme superficiel et que ses biens sont d'autant moins réels en lui qui affecte de les montrer. Les perles qui ont été conformés en une saison de vents orageux ou de tonnerre, non que l'écorce de perles, sans aucune substance. Et toutes les vertus et les plus grandes qualités d'un homme qui les enfle de son orgueil et de sa vanité, non que la simple apparence de bien, sans aucune solidité. L'on a raison de comparer les honneurs au safran, qui se fortifie et vient plus abondamment quand il a été foulé aux pieds. Une personne qui est fière de sa beauté en perd la gloire, et celle qui la néglige lui donne plus d'agrément. La science déshonore dès qu'elle nous enfle l'esprit, et elle dégénère en une ridicule pédanterie. Quand le paon veut se donner de plaisir de voir ses belles plumes, il se hérisse tout le corps, et on découvre ce qui est le plus difforme et le plus hideux. Si nous sommes pointilleux pour des présences, pour des rangs et des titres, outre que nous aurons le chagrin de faire examiner nos qualités et de les voir contestées, nous les rendons encore méprisables, car comme il n'y a rien de plus beau que l'honneur, quand on le reçoit comme un présent, il n'y a rien aussi de plus honteux quand on l'exige comme un droit. Il est semblable à une belle fleur qu'il ne faut cueillir ni toucher, au moins qu'on ne le veuille flétrir. L'on dit que la mandragore jette de loin une odeur fort douce, mais que ceux qui veulent la sentir de près et longtemps sont frappés d'une vapeur maligne, laquelle leur cause un assouplissement fort dangereux. C'est ainsi que l'honneur fait une douce impression sur le cœur de ceux qui le reçoivent comme il se présente, sans empressement ni attachement. Mais à l'égard de ceux qui s'empressent à le chercher et qui s'y attachent, il en sort une fumée maligne, laquelle leur porte à la tête, leur fait perdre l'esprit et les rend méprisables. L'amour et la recherche de la vertu commencent à nous rendre vertueux, mais la passion et l'empressement pour la gloire commencent à nous faire mépriser. Les grandes dames ne s'amusent pas à toutes ces bagatelles de préséance, de rang, de salut. Elles se font des occupations nobles, et cela ne convient qu'à de petits esprits qui n'ont rien de bon à faire, comme celui qui peut faire un riche commerce de perles, ne se charge pas des coquilles. Celui aussi qui s'attache à la pratique des vertus n'a point d'empressement pour ses marques d'honneur. J'avoue que chacun peut conserver et tenir son rang, sans blesser l'humilité, pourvu que ce soit sans affectation et sans contestation. Car comme ceux qui viennent de Pérou dans des vaisseaux chargés d'or et d'argent apportent encore des singes et des perroquets parce que la dépense non plus que la charge n'en est pas grande. Ainsi, ceux qui s'appliquent à la vertu peuvent encore recevoir les honneurs qui leur sont dus, pourvu qu'ils n'en coûtent pas beaucoup de soins ni d'attention, et que les inquiétudes qui y sont ordinairement attachées n'accablent pas l'âme de leur poids. Remarquez cependant que je ne parle pas ici ni de dignité publique ni des droits particuliers, dont les conservations ou la perte peuvent avoir des grandes suites. En un mot, c'est à chacun de conserver ce qui lui appartient, mais avec un juste tempérament entre l'intérêt et la charité, entre les règles de la prudence et les mesures d'honnêteté. Fin de chapitre 4, troisième partie.